Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 16e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la réplique suivante du deuxième dialogue de cette série dans laquelle Mohammed répond à la dernière question de Khalid en disant « Fi d-dawr l-awwal ». Dans sa réponse, Mohammed informe donc Khalid à l'aide d'une phrase composée de trois termes. Elle commence par la particule « fi » qui dans ce contexte correspond aux prépositions « à » ou « dans » suivie du nom « ad-dawr » qui signifie « étage ». Enfin, on trouve le nom « al-awwal » qui correspond en français au nombre ordinal premier. Prise dans son ensemble, la réponse de Mohammed signifie donc « au premier étage » car comme nous l'avons observé dans le cours numéro 14, l'adjectif qualificatif est toujours placé après le nom qu'il qualifie en arabe littéraire. Pour désigner les trois premiers étages d'un bâtiment, on dira donc « ad-dawrul awwal » le premier étage, « ad-dawrul thani » le deuxième étage, « ad-dawrul thalith » le troisième étage. Du point de vue de la déclinaison, nous retrouvons dans cette phrase la préposition « fi » qui implique la déclinaison au cas indirect du nom « ad-dawr » qui la suit et qui est donc marquée par la voyelle « kasra » à sa terminaison. Pour dire « à l'étage », on devra donc bien dire « fi d-dawri ». Cette construction est ensuite suivie du nom « al-awwal » qui occupe la fonction d'adjectif qualificatif « an-naht » et qui permet donc d'identifier le nom qui le précède à l'aide d'une de ses caractéristiques. Comme nous l'avons observé dans le cours numéro 14, l'adjectif qualificatif s'accorde en déclinaison avec le nom qu'il qualifie et le nom « al-awwal » qui occupe cette fonction devra donc lui aussi être décliné au cas indirect et marqué par la voyelle « kasra » à sa terminaison. Pour dire « au premier étage », on devra donc dire « fi d-dawri l-awwali ». Avant de terminer ce cours, intéressons-nous au nom « ad-dawr » qui dans le dernier échange entre Khalid et Mohammed se présente sous deux formes différentes. En effet, dans la question de Khalid, ce nom est employé sans l'ajout de la particule alif lam qui est pourtant présente à son début dans la réponse de Mohammed. Fi ayyi dawr? Fi d-dawr al-awwal. La raison de cette variation est que le terme dawr constitue la forme indéfinie de ce nom, tandis que le terme ad-dawr avec l'ajout de la particule alif lam constitue sa forme définie. Du point de vue du sens, cela signifie que dans la question de Khalid, l'étage au sujet duquel il interroge n'est pas connu et qu'il ne se réfère pas à un étage en particulier puisque c'est justement ce qu'il cherche à connaître. Fi ayyi dawr ? À quel étage ? En revanche, dans sa réponse, Mohammed se réfère en particulier à l'étage dans lequel il réside et au sujet duquel il apporte une précision qui permet de l'identifier. Fi d-dawr al-awwal, au premier étage. L'ajout de la particule alif lam correspond donc en français à l'emploi de l'article défini le lorsque le nom est de genre masculin, tandis que son absence au début d'un nom correspond, sauf exception, à l'emploi de l'article indéfini un en français. Pour dire un étage, on dira donc simplement daurun lorsqu'il est indéfini, et pour dire l'étage, on pourra dire ad-dawru en ajoutant la particule alif lam qui entraîne obligatoirement la disparition du tanwin, la double voyelle à sa terminaison. Enfin, notons également que la fonction d'adjectif qualificatif an-naht occupée dans la réponse de Mohammed par le nom al-awwal implique qu'il s'accorde en définition avec le nom ad-dawr qu'il qualifie, comme nous aurons l'occasion de l'observer à nouveau dans les deux répliques suivantes de ce dialogue. Voilà pour aujourd'hui, ce 16e mini-cours d'arabe littéraire est maintenant terminé. On se retrouve Inch'Allah très prochainement avec le 17e mini-cours, dans lequel nous continuerons l'étude des répliques de ce dialogue entre Khalid et Mohammed. Wassalamu alaikum.